BR Métal, avec 4 divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture Industrielle, est une entreprise en pleine expansion avec plus de 45 employés. Pour nous, la jeunesse et l'économie nous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'être partenaires de la chronique du président du hockey mineur David Lamontagne. BR Métal, 353 Gustave Dessuroy d'Olbeau-Mistassini, 418-276-5888. Les employés et la direction de BR Métal souhaitent une bonne saison à tous les hockeyeurs et les équipes de Olbeau-Mistassini. On va parler de hockey mineur avec notre ami David Lamontagne. Une présentation de BR Métal. Vous pouvez aller voir BR Métal. Salut David! Salut Danny! David, évidemment, le hockey mineur, la semaine passée, tu m'avais dit, là je te le jure, je te dis les vrais chiffres là, concernant les saignées. Là, on confirme que c'est 12 000 $ On parle de 6 000 $ plus de 5 000 de caisse populaire, donc 11 000 $ 11 000 $ Hey, je faisais la chronique du hockey mineur de Robert Val hier avec Hugo. Tu sais que c'est toi et Hugo qui l'ont... Qui a organisé ça. Puis Hugo, il dit ça va devenir une bonne source de financement. Pour les Saguenayens, c'est win-win. Puis pour le hockey mineur, c'est win-win aussi. Au lieu d'aller vendre du chocolat, organiser un match des Saguenayens, ça va être plaisant, ça. C'est sûr. Ouais. David, d'autres choses à mentionner? On va parler plus des autres catégories, parce qu'on a une chronique des castors avec Robin Boulian. Le senior, ça vous touche pas vraiment. Ben quoi que le senior, vous avez aucun lien avec le senior, hein? Non, aucun lien avec le senior. Okay. Jusqu'à date, non. OK. David, on va parler du Pee-wee du Bantam, mais aussi de l'Atome. Parle-moi du Moustique. Parle-moi de ces équipes-là. Là. On n'entend pas parler. On n'en parle pas beaucoup. Quand ça commence, ça? Là, présentement, pour les débuts de saison, dans l'Atome 2B, début de saison, c'est le 13 octobre, mais je sais que les équipes vont la fin de semaine de l'Action de grâce à cette île. Ça veut dire que l'heure de début de saison va commencer là. Dans le Pee-wee 2B, la saison commence. Je sais pas s'il y avait des matchs en fin de semaine dernière. Dans le Bantam 2B, il y a un match de jouer en fin de semaine passée. Mm. Après ça, Midget 2B, je sais que la saison commence en fin de semaine, je pense. Ouais. Fait que c'est ça. Okay. Pour le double lettre, c'est ça, les débuts de saison. Pour ce qui est du simple lettre, ben les camps sont terminés. Les débuts de saison, c'est le 13 octobre, ça commence. Je pense que ça commence une semaine plus tard pour l'Atome. Puis pour ce qui est des catégories pré-novice-novice, ben c'est plus les mags qui sont commencés. Puis je pense que les saisons commencent plus troisième semaine de novembre. OK. Y a-tu pas mal d'inscriptions? Y a-tu pas mal... Ça ressemble pas mal. Ça ressemble... de l'année en année, là, ça ressemble pas mal. Okay. Au niveau Bantam... Ça joue aux alentours de 260, je pense, inscriptions. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est au niveau Bantam. Est-ce que c'est... Il y a eu pas mal de joueurs? Est-ce que... Comment ça a été? Ben, il y a... Non, il n'y a pas beaucoup, pas tant que ça. Ben, tu sais, mais ça ressemble à l'année passée aussi. Là. Dans l'année passée, on avait 39 inscriptions. Cette année, je pense que c'était 37 inscriptions. On a eu plus d'inscriptions dans le midget cette année que l'année passée. L'année passée, c'était une année un petit peu spéciale. Puis pour ce qui est des autres catégories, il y a beaucoup d'inscriptions dans le novice, atome. Il y a beaucoup de relèves, disons. Là. OK. Donc, c'est pas mal le fun. À niveau Bantam, ça va-tu être compétitif? Ça va-tu être... Parce qu'année passée, on a une bonne équipe, là. Ouais, ben on a perdu beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui vont dans le scolaire. Le ah, oui, c'est ça. Ouais. Mais l'équipe, regarde, ils ont gagné en fin de semaine. Tout dépend des autres équipes aussi. Là. Okay. Je sais pas le calibre des autres équipes, mais... On va voir en cours de saison. C'est sûr que c'est peut-être pas le même genre d'équipe qu'on a passé, mais je pense qu'ils vont quand même se tirer quand même d'affaires. OK. Parle-moi maintenant du côté aussi du simple lettre. Ça, j'imagine que ça va commencer après. Les saisons commencent le 13 octobre. Ça veut dire que les équipes se forment, les entraîneurs, quand il y a plus qu'une équipe... de catégorie B, ben on essaie d'avoir des équipes équilibrées, les équipes sont faites, les horaires sont en cours de les horaires de ligue qui sont en train de se faire. Okay. Fait que, ça commence un petit peu plus tard, ça commence le 13 octobre. Okay. Hey, dis-moi, David, cette semaine, il y a eu une histoire, la Ligue JMS avec Marcel Maltais. Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que vous étiez inquiet du côté du hockey mineur? Ça aurait pu avoir des répercussions sur les Castors et les autres ligues aussi, là? Ben moi je l'ai appris, ben je l'ai appris par toi, là. Oui, je n'étais pas au courant de ça pendant tout, non. Puis ça s'est pas vraiment discuté, même dernière réunion de hockey sur la glace, il n'y a pas eu vraiment de discussion là-dessus. Non, ça m'inquiète pas. Je pense que s'il y a une relève, je pense que la relève va faire la job. Ouais. Ben, David, as-tu d'autres choses à ajouter à terminer? Non, c'est bon. OK, fait qu'on s'en reparle jeudi ou vendredi prochain, dépendant de ton emploi. Exactement. Voilà, donc David Lamontagne, le président du hockey mineur de Dolbeau-Mistassini.